vous prions d'écouter une production du Club d'essai, Lecture du soir. Cette production bimensuelle est consacrée, nous vous le rappelons, à la lecture d'un roman réparti en 3 émissions d'une heure, 3 jours consécutifs. Nous vous présentons cette semaine un roman d'Anatole France, Les dieux ont soif, dont Michel Bouquet assurera la lecture. Aujourd'hui, première partie. Évariste Gamelin, peintre, élève de David, membre de la section du Pont-Neuf, précédemment section Henri IV, s'était rendu de bon matin à l'ancienne église des Barnabites, qui depuis 3 ans, depuis le 21 mai 1790, servait de siège à l'Assemblée générale de la section. Cette église s'élevait sur une place étroite et sombre, près de la grille du palais. Sur la façade, composé de 2 ordres classiques, ornés de consoles renversées et de pot-à-feu attristés par le temps, offensés par les hommes, les emblèmes religieux avaient été martelés. Et l'on avait inscrit en lettres noires au-dessus de la porte la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Évariste Gamelin pénétra dans la nef. Les voûtes, qui avaient entendu les clercs de la congrégation de Saint-Paul chanter en rochet les offices divins, voyait maintenant les patriotes en bonnet rouge assemblés pour élire les magistrats municipaux et délibérer sur les affaires de la section. Les saints avaient été tirés de leur niche et remplacés par les bustes de Brutus, de Jean-Jacques et de Lepelletier. La table des droits de l'homme se dressait sur l'autel dépouillé. C'est dans cette nef que, 2 fois la semaine, de 5 heures du soir à 11 heures, se tenaient les assemblées publiques. La chaire, ornée du drapeau aux couleurs de la nation, servait de tribune aux harangues. Vis-à-vis, du côté de l'épître, une estrade de charpente grossière s'élevait, destinée à recevoir les femmes et les enfants qui venaient en assez grand nombre à ces réunions. Ce matin-là, devant un bureau, au pied de la chaire, se tenait en bonnet rouge et carmagnole le menuisier de la place de Thionville, le citoyen Dupont aîné, l'un des 12 du comité de surveillance. Il y avait sur le bureau une bouteille et des verres, un écritoire et un cahier de papier contenant le texte de la pétition qui invitait la Convention à rejeter de son sein les 22 membres indignes. Évariste Gamelin prit la plume et signa. « Je savais bien, dit le magistrat artisan, que tu viendrais donner ton nom, citoyen Gamelin. Tu es impur. Mais la section n'est pas chaude, elle manque de vertu. J'ai proposé au comité de surveillance de ne point délivrer de certificat de civisme à quiconque ne signerait pas la pétition. « Je suis prêt à signer de mon sang, dit Gamelin, la proscription des traîtres fédéralistes. Ils ont voulu la mort de Marat, qu'ils périssent. » Ce qui nous perd, répliqua Dupont aîné, c'est l'indifférentisme. Dans une section qui contient 900 citoyens ayant droit de vote, il n'y en a pas 50 qui viennent à l'Assemblée. Hier, nous étions 28. « Eh bien, dit Gamelin, il faut obliger, sous peine d'amende, les citoyens à venir. »« Eh, eh, fit le menuisier en fronçant le sourcil. « S'ils venaient tous, les patriotes seraient en minorité. »« Citoyen Gamelin, veux-tu boire un verre de vin à la santé des bons sans-culottes ?» Sur le mur de l'église, du côté de l'évangile, on lisait ces mots accompagnés d'une main noire dont l'index montrait le passage conduisant au cloître, comité civil, comité de surveillance, comité de bienfaisance. Quelques pas plus avant, on atteignait la porte de la ci-devant sacristie, que surmontait cette inscription « Comité militaire ». Gamelin la poussa et trouva le secrétaire du comité qui écrivait sur une table encombrée de livres, de papier, de lingots d'acier, de cartouches et d'échantillons de terre salpêtrée. « Salut, citoyen Trubert, comment vas-tu ? Moi, je me porte à merveille. » Le secrétaire du comité militaire, fortuné Trubert, faisait invariablement cette réponse à ceux qui s'inquiétaient de sa santé, moins pour les instruire de son état que pour couper court à toute conversation sur ce sujet. Il avait, à 28 ans, la peau aride, les cheveux rares, les pommettes rouges, le dos voûté. Opticien sur le quai des Orfèvres, il était propriétaire d'une très ancienne maison qu'il avait cédée en 91 à un vieux commis pour se dévouer à ses fonctions municipales. Une mère charmante, morte à 20 ans, et dont quelques vieillards dans le quartier gardaient le touchant souvenir, lui avait donné ses beaux yeux doux et passionnés, sa pâleur, sa timidité. De son père, ingénieur opticien, fournisseur du roi, emporté par le même mal avant sa 30e année, il tenait un esprit juste et appliqué. Sans s'arrêter d'écrire « Et toi, citoyen, comment vas-tu ? » « Bien. »« Quoi de nouveau ? » ?»« Rien. »« Rien, tu vois. » »« Tout est tranquille. » »« Et la situation ? » ?»« La situation est toujours la même. » La situation était effroyable. La plus belle armée de la République a investi dans Mayence. Valenciennes assiégée. Fontenay pris par les Vendéens. Lyon révolté, les Cévennes insurgées. La frontière ouverte aux Espagnols. Les 2/3 des départements envahis ou soulevés. Paris sous les canons autrichiens, sans argent, sans pain. Fortuné Trubert écrivait tranquillement. Les sections étant chargées par arrêté de la commune d'opérer la levée de 12 000 hommes pour la Vendée, il rédigeait des instructions relatives à l'enrôlement, à l'armement du contingent que le Pont-Neuf, ci-devant Henri IV, devait fournir. Tous les fusils de munitions devaient être délivrés aux réquisitionnaires. La garde nationale de la section serait armée de fusils de chasse et de pique. « Je t'apporte, dit Gamelin, l'état des cloches qui doivent être envoyées au Luxembourg pour être converties en canons. » Évariste Gamelin, bien qu'il ne possédât pas un sou, était inscrit parmi les membres actifs de la section. La loi n'accordait cette prérogative qu'aux citoyens assez riches pour payer une contribution de la valeur de 3 journées de travail, et elle exigeait 10 journées pour qu'un électeur fût éligible. Mais la section du Pont-Neuf, éprise d'égalité et jalouse de son autonomie, tenait pour électeur et pour éligible tout citoyen qui avait payé de ses deniers son uniforme de garde nationale. C'était le cas de Gamelin, qui était citoyen actif de la section et membre du comité militaire. Fortuné Trubert posa sa plume. Citoyen Évariste, va donc à la convention demander qu'on nous envoie des instructions pour fouiller le sol des caves, lessiver la terre et les moellons et recueillir le salpêtre. Ce n'est pas tout que d'avoir des canons, il faut aussi de la poudre. Un petit bossu, la plume à l'oreille et les papiers à la main, entra dans la ci-devant sacristie. C'était le citoyen Beauvisage du comité de surveillance. Citoyen, dit-il, nous recevons de mauvaises nouvelles. Custine a évacué Landau. Custine est un traître, s'écria Gamelin. Il sera guillotiné, dit Beauvisage. Trubert, de sa voix un peu haletante, s'exprima avec son calme ordinaire. La convention n'a pas créé un comité de salut public pour les prunes. La conduite de Custine y sera examinée. Incapable ou traître, il sera remplacé par un général résolu à vaincre. Et ça ira. Il feuilleta les papiers et y promena le regard de ses yeux fatigués. Pour que nos soldats fassent leur devoir sans trouble ni défaillance, il faut qu'ils sachent que le sort de ceux qu'ils ont laissés dans leur foyer est assuré. Si tu es de cet avis, citoyen Gamelin, tu demanderas avec moi à la prochaine assemblée que le comité de bienfaisance se concerte avec le comité des militaires pour secourir les familles indigentes qui ont un parent à l'armée. Il sourit et fredonna. Ça ira, ça ira. Travaillant 12 et 14 heures par jour devant sa table de bois blanc, à la défense de la patrie en péril, cet humble secrétaire d'un comité de section ne voyait point de disproportion entre l'énormité de la tâche et la petitesse de ses moyens. Tant il se sentait uni dans un commun effort à tous les patriotes, tant il faisait corps avec la nation, tant sa vie se confondait avec la vie d'un grand peuple. Il était de ceux qui, enthousiastes et patients, après chaque défaite, préparaient le triomphe impossible et certain. Aussi bien leur fallait-il vaincre. Ces hommes de rien qui avaient détruit la royauté, renversé le vieux monde, ce Trubert, petit ingénieur opticien, cet Évariste Gamelin, peintre obscur, n'attendaient point de merci de leurs ennemis. Ils n'avaient de choix qu'entre la victoire et la mort. De là leur ardeur et leur sérénité. Au sortir des Barnabites, Évariste Gamelin s'achemina vers la place Dauphine, devenue place de Thionville en l'honneur d'une cité inexpugnable. Située dans le quartier le plus fréquenté de Paris, cette place avait perdu depuis près d'un siècle sa belle ordonnance. Les autels construits sur les trois faces au temps de Henri IV, uniformément en briques rouges avec chaînes de pierre blanche pour des magistrats magnifiques, maintenant ayant échangé leur noble toit d'ardoise contre 2 ou 3 misérables étages en plâtras ou même rasés jusqu'à terre et remplacés sans honneur par des maisons mal blanchies à la chaux, n'offraient plus que des façades irrégulières, pauvres, sales, percées de fenêtres inégales, étroites, innombrables, qu'égayaient des pots de fleurs, des cages d'oiseaux et des linges qui séchaient. Là, logeait une multitude d'artisans, bijoutiers, ciseleurs, horlogers, opticiens, imprimeurs, lingères, modistes, blanchisseuses et quelques vieux hommes de loi qui n'avaient point été emportés dans la tourmente avec la justice royale. C'était le matin et c'était le printemps. De jeunes rayons de soleil, enivrants comme du vin doux, riaient sur les murs et se coulaient gaiement dans les mansardes. Les châssis des croisées à guillotine étaient tous soulevés et l'on voyait, au-dessous, les têtes échevelées des ménagères. Le greffier du tribunal révolutionnaire sortit de la maison pour se rendre à son poste, tapotait en passant les joues des enfants qui jouaient sous les arbres. On entendait crier sur le pont neuf la trahison de l'infâme Dumouriez. Évariste Gamelin habitait sur le côté du quai de l'Horloge, une maison qui datait de Henri IV, et aurait fait encore assez bonne figure sans un petit grenier couvert de tuiles dont on l'avait exaucé sous l'avant-dernier tyran. Pour approprier l'appartement de quelques vieux parlementaires aux convenances des familles bourgeoises et artisanes qui y logeaient, on avait multiplié les cloisons et les soupentes. C'est ainsi que le citoyen Remacle, concierge tailleur, nichait dans un entresol fort abrégé en hauteur comme en largeur, où on le voyait par la porte vitrée, les jambes croisées sur son établi et la nuque au plancher, cousant un uniforme de garde national, tandis que la citoyenne Remacle, dont le fourneau n'avait pour cheminée que l'escalier, empoisonnait les locataires de la fumée de ses ragoûts et de ses fritures, et que, sur le seuil de la porte, la petite Joséphine, leur fille, barbouillée de mélasse et belle comme le jour, jouait avec Mouton, le chien du menuisier. La citoyenne Remacle, abondante de cœur, de poitrine et de reins, passait pour accorder ses faveurs à son voisin, le citoyen Dupont aîné, l'un des 12 du comité de surveillance. Son mari, tout du moins, l'en soupçonnait véhémentement, et les époux Remacle emplissaient la maison des éclats alternés de leurs querelles et de leurs raccommodements. Les étages supérieurs de la maison étaient occupés par le citoyen Chaperon, orfèvre, qui avait sa boutique sur le quai de l'Horloge, par un officier de santé, par un homme de loi, par un batteur d'or et par plusieurs employés du palais. Évariste Gamelin monta l'escalier antique jusqu'au quatrième et dernier étage où il avait son atelier avec une chambre pour sa mère. Là finissaient les degrés de bois garnis de carreaux qui avaient succédé aux grandes marches de pierre des premiers étages. Une échelle appliquée au mur conduisait à un grenier d'où descendait pour lors un gros homme assez vieux, d'une belle figure rose et fleurie, qui tenait péniblement embrassé un énorme ballot et fredonnait toutefois « J'ai perdu mon serviteur ». S'arrêtant de chantonner, il souhaita courtoisement le bonjour à Gamelin, qui le salua fraternellement et l'aida à descendre son paquet, ce dont le vieillard lui rendit grâce. « Vous voyez là, dit-il, en reprenant son fardeau, des pantins que je vais de ce pas livrer à un marchand de jouets de la rue de la Loi. Il y en a ici tout un peuple. Ce sont mes créatures. Elles ont reçu de moi un corps périssable, exempt de joie et de souffrance. Je ne leur ai pas donné la pensée, car je suis un dieu bon. » C'était le citoyen Maurice Brotteau, ancien traitant, ci-devant noble. Son père, enrichi dans les parties, avait acheté une savonnette à Vilain. Au bon temps, Maurice Brotteau se nommait Monsieur des Ilettes et donnait, dans son hôtel de la rue de la Chaise, des soupers fins que la belle Madame de Rochemort, épouse d'un procureur, illuminait de ses yeux. Femme accomplie, dont la fidélité honorable ne se démentit point tant que la Révolution laissa à Maurice Brotteau des Ilettes ses offices, ses rentes, son hôtel, ses terres, son nom. La Révolution les lui enleva. Il gagna sa vie à peindre des portraits sous les portes cochères, à faire des crêpes et des beignets sur le quai de la messagerie, à composer des discours pour les représentants du peuple et à donner des leçons de danse aux jeunes citoyennes. Présentement, dans son grenier, où l'on se coulait par une échelle et où l'on ne pouvait se tenir debout, Maurice Brotteau, riche d'un pot de colle, d'un paquet de ficelles, d'une boîte d'aquarelle et de quelques rognures de papier, fabriquait des pantins qu'il vendait à de gros marchands de jouets, qui les revendaient aux colporteurs, qui les promenaient par les Champs-Élysées au bout d'une perche, brillants objets des désirs des petits-enfants. Au milieu des troubles publics et dans la grande infortune dont il était lui-même accablé, il gardait une âme sereine, lisant pour se récréer son Lucrèce, qu'il portait constamment dans la poche béante de sa redingote puce. Évariste Gamelin poussa la porte de son logis qui s'éla tout de suite. Sa pauvreté lui épargnait le souci des serrures. Et quand sa mère, par habitude, tirait le verrou, il lui disait « À quoi bon ? On ne vole pas les toiles d'araignée, et les miennes pas davantage. » Dans l'après-midi du même jour, Évariste se rendit chez le citoyen Jean Blaise, marchand d'estampes qui vendait aussi des boîtes, des cartonnages et toutes sortes de jeux, rue Honoré, vis-à-vis de l'oratoire, proche les messageries à l'amour peintre. Le magasin s'ouvrait au rez-de-chaussée d'une maison vieille de 60 ans par une baie dont la voûte portait à sa clé un mascaron cornu. Le cintre de cette bête est rempli par une peinture à l'huile représentant le Sicilien ou l'amour peintre, d'après une composition de Boucher que le père de Jean Blaise avait fait poser en 1770 et qu'effaçait depuis lors le soleil et la pluie. De chaque côté de la porte, une baie semblable, avec une tête de nymphe en clé de voûte, garnie de vitres aussi grandes qu'il s'en était plus trouvé, offrait au regard les estampes à la mode et les dernières nouveautés de la gravure en couleur. Du plus loin qu'il put l'apercevoir, Évariste leva ses regards vers une des fenêtres qui s'ouvrait au-dessus du magasin, celle de gauche, où il y avait un pot d'œillets rouge derrière le balcon de fer à coquilles. Cette fenêtre éclairait la chambre d'Élodie, fille de Jean Blaise. Le marchand d'estampes habitait avec son unique enfant le premier étage de la maison. Évariste, s'étant arrêté un moment comme pour prendre haleine devant l'amour peintre, tourna le bec de canne. Il trouva la citoyenne Élodie qui, ayant vendu des gravures, deux compositions de Fragonard fils et de Neigeon, soigneusement choisies entre beaucoup d'autres, avant d'enfermer dans la caisse les assignats qu'elle venait de recevoir, les passait l'un après l'autre entre ses beaux yeux et le jour, pour en examiner les pontussos, les vergures et le filigrane, inquiète, car il circulait autant de faux papiers que de vrais, ce qui nuisait beaucoup au commerce. Comme autrefois, ceux qui imitaient la signature du roi, les contrefacteurs de la monnaie nationale, étaient punis de mort. Cependant, on trouvait des planches à assignats dans toutes les caves. Les Suisses introduisaient de faux assignats par millions, on les jetait par paquets dans les auberges. Les Anglais en débarquaient tous les jours des ballots sur nos côtes pour discréditer la République et réduire les patriotes à la misère. Élodie craignait de recevoir du mauvais papier et craignait plus encore d'en passer et d'être traitée comme complice de Pitt, s'en fiant toutefois à sa chance et sûre de se tirer d'affaire en toute rencontre. Évariste la regarda de cet air sombre qui, mieux que tous les sourires, exprime l'amour. Elle le regarda avec une moue un peu moqueuse, qui retroussait ses yeux noirs, et cette expression lui venait de ce qu'elle se savait aimée, et qu'elle n'était pas fâchée de l'être, et de ce que cette figure-là irrite un amoureux, l'excite à se plaindre, l'induit à se déclarer s'il ne l'a pas encore fait, ce qui était le cas d'Évariste. Ayant mis les assignats dans la caisse, elle tira de sa corbeille à ouvrage une écharpe blanche qu'elle avait commencé de broder et se mit à travailler. Elle était laborieuse et coquette, et comme d'instinct elle maniait l'aiguille pour plaire en même temps que pour se faire une parure, elle brodait de façon différente selon ceux qui la regardaient. Elle brodait nonchalamment pour ceux à qui elle voulait communiquer une douce langueur, elle brodait capricieusement pour ceux qu'elle s'amusait à désespérer un peu. Elle se mit à broder avec soin pour Évariste, en qui elle désirait entretenir un sentiment sérieux. Élodie n'était ni très jeune ni très jolie. On pouvait la trouver laide au premier abord, brune, le teint olivâtre, sous le grand mouchoir blanc noué négligemment autour de sa tête et d'où s'échappaient les boucles azurées de sa chevelure, ses yeux de feu charbonnaient leurs orbites. En son visage rond, aux pommettes saillantes, riant, un peu Camus, agreste et voluptueux, le peintre retrouvait la tête du faune Borghèse dont il admirait sur un moulage la divine espièglerie. De petites moustaches donnaient de l'accent à ses lèvres ardentes. Un sein qui semblait gonflé de tendresse soulevait le fichu croisé à la mode de l'année. Sa taille souple, ses jambes agiles, tout son corps robuste se mouvait avec des grâces sauvages et délicieuses. Son regard, son souffle, les frissons de sa chair, tout en elle demandait le cœur et promettait l'amour. Derrière le comptoir de marchande, elle donnait l'idée d'une nymphe de la danse, d'une bacchante d'opéra, dépouillée de sa peau de lynx, de son thyrse et de ses guirlandes de lierre, contenue, dissimulée par enchantement dans l'enveloppe modeste du ménagère de Chardin. « Mon père n'est pas à la maison, dit-elle au peintre. Attendez-le un moment, il ne tardera pas à rentrer. » Les petites mains brunes faisaient courir l'aiguille à travers le linon. « Trouvez-vous ce dessin à votre goût, monsieur Gamelin ?» Il se pencha sur l'écharpe. Ses joues effleurèrent les boucles d'Élodie. Leurs mains se rencontraient sur le linon. Leur souffle se mêlait. Évariste goûtait en ce moment une joie infinie, mais, sentant près de ses lèvres les lèvres d'Élodie, il craignit d'avoir offensé la jeune fille et se retira brusquement. Élodie, qui n'était point une ingénue, concevait différentes sortes d'amour. Le sentiment que lui inspirait Évariste était assez profond pour qu'elle pensât lui engager sa vie. Elle était toute disposée à l'épouser, mais s'attendait à ce que son père n'approuvât pas l'union de sa fille unique avec un artiste obscur et pauvre. Gamelin n'avait rien. Le marchand d'estampes remuait de grosses sommes d'argent. L'amour peintre lui rapportait beaucoup, l'adjo plus encore. Et il s'était associé à un fournisseur qui livrait à la cavalerie de la République des bottes de jonc et de l'avoine mouillée. Enfin, le fils du coutelier de la rue Saint-Dominique était un mince personnage auprès de l'éditeur d'estampes connu dans toute l'Europe, apparenté aux Blaiseau, aux Bassan, aux Didot, et qui fréquentait chez les citoyens Saint-Pierre et Florian. Ce n'est pas qu'en fille obéissante, elle tint le consentement de son père pour nécessaire à son établissement. Le père, veuve de bonheur, d'humeur avide et légère, grand coureur de filles, grand brasseur d'affaires, ne s'était jamais occupé d'elle. L'avait laissé grandir libre, sans conseil, sans amitié, soucieux non de surveiller, mais d'ignorer la conduite de cette fille, dont il appréciait en connaisseur le tempérament fougueux et les moyens de séduction bien autrement puissants qu'un joli visage. Trop généreuse pour se garder, trop intelligente pour se perdre, sage dans ses folies, le goût d'aimer ne lui avait jamais fait oublier les convenances sociales. Son père lui savait un gré infini de cette prudence. Et comme elle tenait de lui le sens du commerce et le goût des entreprises, il ne s'inquiétait pas des raisons mystérieuses qui détournaient du mariage une fille si nubile et la retenaient à la maison où elle valait une gouvernante et 4 commis. À 27 ans, elle se sentait d'âge et d'expérience à faire sa vie elle-même et n'éprouvait nul besoin de demander les conseils ou de suivre la volonté d'un père jeune, facile et distrait. Mais pour qu'il épousât Gamelin, il aurait fallu que M. Blaise fît un sort à ce gendre pauvre, l'intéressât dans la maison, lui assurât des travaux comme il en assurait à plusieurs artistes, enfin, d'une manière ou d'une autre, lui créa des ressources. Et cela, elle jugeait impossible que l'un l'offrît, que l'autre l'acceptât, tant il y avait peu de sympathie entre ces deux hommes. Cette difficulté embarrassait la tendre et sage Élodie. Elle envisageait sans terreur l'idée de s'unir à son ami par des liens secrets et de prendre l'auteur de la nature pour seul témoin de leur foi mutuelle. Sa philosophie ne trouvait pas condamnable une telle union que l'indépendance où elle vivait rendait possible et à laquelle le caractère honnête et vertueux d'Évariste donnerait une force rassurante. Mais Gamelin avait grand-peine à subsister et à soutenir la vie de sa vieille mère. Il ne semblait pas qu'il y eût dans une existence si étroite place pour un amour même réduit à la simplicité de la nature. D'ailleurs, Évariste n'avait pas encore déclaré ses sentiments, ni fait part de ses intentions. La citoyenne Blaise espérait bien l'y obliger avant peu. Elle arrêta du même coup ses méditations et son aiguille. « Citoyen Évariste, dit-elle, cette écharpe ne me plaira qu'autant qu'elle vous plaira à vous-même. Dessinez-moi un modèle, je vous prie. En l'attendant, je défraie comme Pénélope ce qui a été fait en votre absence. » Il répondit avec un sombre enthousiasme. « Je m'y engage, citoyenne. Je vous dessinerai le glaive d'Harmodius, une épée dans une guirlande. » Et tirant son crayon, il esquissa des épées et des fleurs dans ce style sobre et nu qu'il aimait. Et en même temps, il exposait ses doctrines. « Les Français régénérés, disait-il, doivent répudier tous les legs de la servitude, le mauvais goût, la mauvaise forme, le mauvais dessin, Watteau, Boucher, Fragonard, travaillaient pour des tyrans et pour des esclaves. » Dans leurs ouvrages, nul sentiment du bon style, ni de la ligne pure. Nulle part la nature, ni la vérité. Des masques, des poupées, des chiffons, des singeries. La postérité méprisera leurs frivoles ouvrages. Dans 100 ans, tous les tableaux de Watteau auront péri, méprisés dans les greniers. En 1893, les étudiants en peinture recouvriront de leurs ébauches les toiles de Boucher. David a ouvert la voie. Il se rapproche de l'antique, mais il n'est pas encore assez simple, assez grand, assez nu. Nos artistes ont encore bien des secrets à apprendre, des frises d'Herculanum, des bas-reliefs romains, des vases étrusques. Il parla longtemps de la beauté antique, puis revint à Fragonard, qu'il poursuivait d'une haine inextinguible. Le connaissez-vous, citoyenne? Élodie fit signe oui. Vous connaissez aussi le bonhomme Greuze, qui certes est suffisamment ridicule avec son habit écarlate et son épée, mais il a l'air d'un sage de la Grèce auprès de Fragonard. Je l'ai rencontré il y a quelque temps, ce misérable vieillard, trottinant sous les arcades du palais Égalité, poudré, galant, frétillant, égrillard, hideux. À cette vue, je souhaitais qu'à défaut d'Apollon, quelques vigoureux amis des arts le pendît à un arbre et les corchât comme Marsyas en exemple éternel au mauvais peintre. Élodie fixa sur lui le regard de ses yeux gais et voluptueux. Vous savez haïr, monsieur Gamelin. Faut-il croire que vous savez aussi... C'est vous, Gamelin ? Fit une voix de ténor, la voix du citoyen Blaise qui rentrait dans son magasin, bottes craquantes, breloques sonnantes, basques envolées et coiffé d'un énorme chapeau noir dont les cornes lui descendaient sur les épaules. Élodie, en portant sa corbeille, monta dans sa chambre. « Eh bien, Gamelin, demanda le citoyen Blaise, m'apportez-vous quelque chose de neuf ?»« Peut-être, dit le peintre. » Et il exposa son idée. Nos cartes à jouer offrent un contraste choquant avec l'état des mœurs. Les noms de valets et de rois offensent les oreilles d'un patriote. J'ai conçu et exécuté le nouveau jeu de cartes révolutionnaire dans lequel aux rois, aux dames, aux valets sont substituées les libertés, les égalités, les fraternités. Les as entourés de faisceaux s'appellent les lois. Vous annoncez liberté de trèfle, égalité de pique, fraternité de carreau, loi de cœur. Je crois ces cartes assez fièrement dessinées. J'ai l'intention de les faire graver en taille douce par de maillis et de prendre un brevet. Et tirant de son carton quelques figures terminées à l'aquarelle, l'artiste les tendit au marchand d'estampes. Le citoyen Blaise refusa de les prendre et détourna la tête. « Mon petit, portez cela à la convention, qui vous accordera les honneurs de la séance. Mais n'espérez pas tirer un sol de votre nouvelle invention qui n'est pas nouvelle. Vous vous êtes levé trop tard. » Votre jeu de cartes révolutionnaire est le troisième qu'on m'apporte. Votre camarade Dugourc m'a offert, la semaine dernière, un jeu de piquet avec 4 génies, 4 libertés, 4 égalités. On m'a proposé un autre jeu où il y avait des sages, des braves, Caton, Rousseau, Hannibal, que sais-je encore. Et ces cartes avaient sur les vôtres, mon ami, l'avantage d'être grossièrement dessinées et gravées sur bois au canif. Que vous connaissez peu les hommes pour croire que les joueurs se serviront de cartes dessinées dans le goût de David et gravées dans la manière de Bartolozzi. Et c'est encore une étrange illusion de croire qu'il faille faire tant de façons pour conformer les vieux jeux de cartes aux idées actuelles. De même, les bons sans culottes en corrigent l'incivisme en annonçant le tyran ou simplement le gros cochon. Ils se servent de leurs cartes crasseuses et n'en achètent jamais d'autres. La grande consommation de jeux se fait dans les tripots du palais Égalité. Je vous conseille d'y aller et d'offrir aux croupiers et aux pontes vos libertés, vos égalités, vos... comment dites-vous ? Vos lois de cœur. Et vous reviendrez me dire comment ils vous ont reçu. Le citoyen Blaise s'assit sur le comptoir, donna des pichenettes sur sa culotte de Nankin pour en ôter les grains de tabac, et regardant Gamelin avec une douce pitié. Permettez-moi de vous donner un conseil, citoyen peintre. Si vous voulez gagner votre vie, laissez-là vos cartes patriotiques. Laissez-là vos symboles révolutionnaires, vos Hercules, vos hydres, vos furies poursuivant le crime, vos génies de la liberté, et peignez-moi de jolies filles. L'ardeur des citoyens se régénérer tiédit avec le temps, et les hommes aimeront toujours les femmes. Faites-moi des femmes toutes roses, avec de petits pieds et de petites mains. Et mettez-vous dans la tête que personne ne s'intéresse plus à la Révolution et qu'on ne veut plus en entendre parler. Du coup, Évariste Gamelin se cabra. Quoi ? Ne plus entendre parler de la Révolution ? Mais l'établissement de la liberté, les victoires de nos armées, le châtiment des tyrans sont des événements qui étonneront la postérité la plus reculée. Comment n'en pourrions-nous pas être frappés ? Quoi ? La secte du sans-culotte Jésus a duré près de 18 siècles et le culte de la liberté serait aboli après 4 ans à peine d'existence ? Mais Jean Blaise, d'un air de supériorité, vous êtes dans le rêve. Moi, je suis dans la vie. Croyez-moi, mon ami, la révolution ennuie, elle dure trop. 5 ans d'enthousiasme, 5 ans d'embrassades, de massacres, de discours, de marseillaises, de tocsins, d'aristocrates à la lanterne, de têtes portées sur des pics, de femmes à cheval sur des canons, d'arbres de la liberté coiffés du bonnet rouge, de jeunes filles et de vieillards traînés en robe blanche, dans des chars de fleurs, d'emprisonnement, de guillotine, de rationnement, d'affiches, de cocardes, de panaches, de sabres, de carmagnoles, c'est long. Et puis l'on commence à n'y plus rien comprendre. Nous en avons trop vu de ces grands citoyens que vous n'avez conduits au Capitole que pour les précipiter ensuite de la roche tarpéienne. Necker, Mirabeau, Lafayette, Bailly, Pétion, Manuel et tant d'autres. Qui nous dit que vous ne préparez pas le même sort à vos nouveaux héros ? Ben, on ne sait plus. Nommez-les, citoyen Blaise. Nommez-les, ces héros que nous nous préparons à sacrifier, dit Gamelin d'un ton qui rappela le marchand d'estampes à la prudence. Je suis républicain et patriote, répliqua-t-il, la main sur le cœur. Je suis aussi républicain que vous. Je suis aussi patriote que vous, citoyen Évariste Gamelin. Je ne soupçonne pas votre civisme et ne vous accuse nullement de versatilité. Mais sachez que mon civisme et mon dévouement à la chose publique sont attestés par des actes nombreux. Mes principes les voici. Je donne ma confiance à tout individu capable de servir la nation. Devant les hommes que la voie publique désigne au périlleux honneur du pouvoir législatif, comme Marat, comme Robespierre, je m'incline. Je suis prêt à les aider dans la mesure de mes faibles moyens et à leur apporter l'humble concours d'un bon citoyen. Les comités peuvent témoigner de mon zèle et de mon dévouement. En société avec nos vrais patriotes, j'ai fourni de l'avoine et du fourrage à notre brave cavalerie, des souliers à nos soldats. Aujourd'hui même, je fais envoyer de Vernon 60 bœufs à l'armée du Midi, à travers un pays infesté de brigands et battu par les émissaires de Pitt et de Condé. Je ne parle pas. J'agis. Gamelin remit tranquillement ses aquarelles dans son carton, dont il noua les cordons et qu'il passa sous son bras. C'est une étrange contradiction, dit-il, les dents serrées, que d'aider nos soldats à porter à travers le monde cette liberté qu'on trahit dans ses foyers en semant le trouble et l'inquiétude dans l'âme de ses défenseurs. Salut, citoyen Blaise. Avant de s'engager dans la ruelle qui longe l'oratoire, Gamelin, le cœur gros d'amour et de colère, se retourna pour donner un regard aux œillets rouges fleuris sur le rebord d'une fenêtre. Il ne désespérait point du salut de la patrie. Aux propos inciviques de Jean Blaise, il opposait sa foi révolutionnaire. Encore lui fallait-il reconnaître que ce marchand ne prétendait pas, sans quelque apparence de raison, que désormais le peuple de Paris se désintéressait des événements, hélas. Il n'était que trop certain qu'à l'enthousiasme de la première heure succédait l'indifférence générale, et qu'on ne reverrait plus les grandes foules unanimes de 89, qu'on ne reverrait plus les millions d'âmes harmonieuses qui se pressaient en 90 autour de l'hôtel des Fédérés. Eh bien, les bons citoyens redoubleraient de zèle et d'audace, réveilleraient le peuple assoupi en lui donnant le choix de la liberté ou de la mort. Ainsi songeait Gamelin, et la pensée d'Élodie soutenait son courage. Arrivé au quai, il vit le soleil descendre à l'horizon sous des nuées pesantes, semblables à des montagnes de lave incandescentes. Les toits de la ville baignaient dans une lumière d'or, les vitres des fenêtres jetaient des éclairs, et Gamelin imaginait des titans forgeant, avec les débris ardents des vieux mondes, d'Issé, la cité des reins. N'ayant pas un morceau de pain pour sa mère ni pour lui, il rêvait de s'asseoir à la table sans bout qui convierait l'univers et où prendrait place l'humanité régénérée. En attendant, il se persuadait que la patrie en bonne mère nourrirait son enfant fidèle. Se roidissant contre les dédains du marchand d'estampes, il s'excitait à croire que son idée d'un jeu de cartes révolutionnaire était nouvelle et bonne, et qu'avec ses aquarelles bien réussies, il tenait une fortune sous son bras. Demain, il les gravera, pensait-il. Nous éditerons nous-mêmes le nouveau jeu patriotique, et nous sommes sûrs d'en vendre 10 000 à 20 sols chacun en un mois. Et dans son impatience de réaliser ce projet, il se dirigea à grands pas sur le quai de la ferraille où logeait Demailly au-dessus du vitrier. On entrait par la boutique. La vitrière avertit Gamelin que le citoyen Demailly n'était pas chez lui. Ce qui ne pouvait pas beaucoup surprendre le peintre, qui savait que son ami était d'humeur vagabonde et dissipée, et qui s'étonnait qu'on pût graver autant et si bien qu'il le faisait, avec aussi peu d'assiduité. Gamelin résolut de l'attendre un moment. La femme du vitrier lui offrit un siège, elle était morose, et se plaignait des affaires qui allaient mal. Quoi qu'on eût dit que la révolution en cassant les carreaux enrichissait les vitriers. La nuit tombait. Renonçant à attendre son camarade, Gamelin prit congé de la vitrière. Comme il passait sur le pont neuf, il vit déboucher du quai des Morts-Fondus des gardes nationaux à cheval qui refoulaient des passants, portaient des torches et avec un grand cliquetis de sabre escortaient une charrette qui traînait lentement à la guillotine un homme dont personne ne savait le nom ainsi devant le premier condamné du nouveau tribunal révolutionnaire. On l'apercevait confusément entre les chapeaux des gardes, assis, les mains liées sur le dos, la tête nue et ballante, tournée vers le cul de la charrette. Le bourreau se tenait debout près de lui, appuyé à la ridelle. Les passants arrêtés disaient entre eux que c'était probablement quelque affameur du peuple, et regardaient avec indifférence. Gamelin, s'étant approché, reconnu parmi les spectateurs Demailly, qui s'efforçait de fendre la foule et de couper le cortège. Il l'appela, et lui mit la main sur l'épaule. Demailly tourna la tête. C'était un jeune homme beau et vigoureux. On disait naguère à l'académie qu'il portait la tête de Bacchus sur le corps d'Hercule. Ses amis l'appelaient Barbarou à cause de sa ressemblance avec ce représentant du peuple. « Viens, lui dit Gamelin, j'ai hâte de parler d'une affaire importante. »« Laisse-moi, répondit vivement Demailly. » Et il jeta quelques mots indistincts, en guettant le moment de s'élancer. « Je suivais une femme divine, en chapeau de paille, une ouvrière de mode, ses cheveux blonds sur le dos, cette maudite charrette m'en a séparé. Elle a passé devant, elle est déjà à l'autre bout du pont. » Gamelin tenta de le retenir par son habit, jurant que la chose était d'importance, mais Demailly s'était déjà coulé à travers chevaux, gardes, sabres et torches, et poursuivait la demoiselle de mode. Il était 10 heures du matin. Le soleil d'avril trempait de lumière les tendres feuilles des arbres. Allégé par l'orage de la nuit, l'air avait une douceur délicieuse. À longs intervalles, un cavalier, passant sur l'allée des veuves, rompait le silence de la solitude. Au bord de l'allée ombreuse, contre la chaumière de la belle Lilloise, sur un banc de bois, Évariste attendait Élodie. Depuis le jour où leurs doigts s'étaient rencontrés sur le linon de l'écharpe, où leurs souffles s'étaient mêlés, il n'était plus revenu à l'amour peintre. Pendant toute une semaine, son orgueilleux stoïcisme et sa timidité, qui devenaient sans cesse plus farouches, l'avaient tenu éloigné d'Élodie. Il lui avait écrit une lettre grave, sombre, ardente, dans laquelle, exposant les griefs dont il chargeait le citoyen Blaise, et taisant son amour, dissimulant sa douleur, il annonçait sa résolution de ne plus retourner au magasin d'estampes et montrait à suivre cette résolution plus de fermeté qu'elle en pouvait approuver une amante. D'un naturel contraire, Élodie, encline à défendre son bien en toute occasion, songea tout de suite à rattraper son ami. Elle pensa d'abord à l'aller voir chez lui dans l'atelier de la place de Thionville, mais le sachant d'humeur chagrine, jugeant par sa lettre qu'il avait l'âme irritée, craignant qu'il n'enveloppât dans la même rancune la fille et le père, et ne s'étudiât à ne plus la revoir, elle pensa meilleur de lui donner un rendez-vous sentimental et romanesque auquel il ne pourrait se dérober, où elle aurait tout loisir de persuader et de plaire, où la solitude conspirerait avec elle pour le charmer et le vaincre. Évariste vit Élodie qui sautait de voiture. Il courut à elle. Les yeux de la jeune femme brillaient dans l'ombre transparente de son chapeau de paille. Ses lèvres, aussi rouges que les œillets qu'elle tenait à la main, souriaient. Une écharpe de soie noire croisée sur la poitrine se nouait sur le dos. Sa robe jaune faisait voir les mouvements rapides des genoux et découvrait les pieds chaussés de souliers plats. Les hanches étaient presque entièrement dégagées car la révolution avait affranchi la taille des citoyennes. Cependant, la jupe, enflée encore sous les reins, déguisait les formes en les exagérant et voilait la réalité sous son image amplifiée. Il voulut parler et ne put trouver ses mots et se reprocha cet embarras qu'Élodie préférait au plus doux accueil. Elle remarqua aussi, éteint pour un bon signe, qu'il avait noué sa cravate avec plus d'art qu'à l'ordinaire. Elle lui tendit la main. « Je voulais vous voir, dit-elle, causer avec vous. Je n'ai pas répondu à votre lettre, elle m'a déplu. Je ne vous y ai pas retrouvé. Elle aurait été plus aimable si elle avait été plus naturelle. Ce serait faire tort à votre caractère et à votre esprit que de croire que vous ne voulez pas retourner à l'amour peintre parce que vous y avez eu une altercation légère sur la politique avec un homme beaucoup plus âgé que vous. Soyez sûr que vous n'avez nullement à craindre que mon père vous reçoive mal quand vous reviendrez chez nous. Vous ne le connaissez pas. Il ne se rappelle ni ce qu'il vous a dit, ni ce que vous lui avez répondu. Je n'affirme pas qu'il existe une grande sympathie entre vous deux, mais il est sans rancune, je vous le dis franche. Il ne s'occupe pas beaucoup de vous, ni de moi. Il ne pense qu'à ses affaires et à ses plaisirs. » Elle s'achemina vers les bosquets de la Chaumière, où il la suivit avec quelque répugnance, parce qu'il savait que c'était le rendez-vous des amours vénales et des tendresses éphémères. Elle choisit la table la plus cachée. « Que j'ai de choses à vous dire, Évariste. L'amitié a des droits. Vous me permettrez d'en user. Je vous parlerai beaucoup de vous et un peu de moi, si vous le voulez bien. » Le limonadier ayant apporté une carafe et des verres, elle versa elle-même à boire en bonne ménagère. Puis elle lui conta son enfance. Elle lui dit la beauté de sa mère, qu'elle aimait à célébrer par piété filiale et comme l'origine de sa propre beauté. Elle vanta la vigueur de ses grands-parents, car elle avait l'orgueil de son sang bourgeois. Elle conta comment, ayant perdu à 16 ans cette mère adorable, elle avait vécu sans tendresse et sans appui. Elle se peignit telle qu'elle était, vive, sensible, courageuse, et elle ajouta « Évariste, j'ai passé une jeunesse trop mélancolique et trop solitaire pour ne pas savoir le prix d'un cœur comme le vôtre. » Et je ne renoncerai pas de moi-même et sans effort, je vous en avertis, à une sympathie sur laquelle je croyais pouvoir compter et qui m'était chère. Évariste la regarda tendrement. « Se peut-il, Élodie, que je ne vous sois pas indifférent, puis-je croire ?» Il s'arrêta de peur d'en trop dire et d'abuser par là d'une amitié si confiante. Elle lui tendit une petite main honnête qui sortait à demi des longues manches étroites garnies de dentelle. Son sein se soulevait en longs soupirs. « Attribuez-moi, Évariste, tous les sentiments que vous voulez que j'aie pour vous, et vous ne vous tromperez pas sur les dispositions de mon cœur. » Élodie, ce que vous dites là, le répéterez-vous encore quand vous saurez ?» Il hésita. Elle baissa les yeux. Il acheva plus bas. « Que je vous aime. » En entendant ces derniers mots, elle rougit. C'était le plaisir. Et tandis que ses yeux exprimaient une tendre volupté, malgré elle, un sourire comique soulevait un coin de ses lèvres. Elle songeait, et il croit s'être déclaré le premier, et il craint peut-être de me fâcher. Et elle lui dit avec bonté, « Vous ne l'aviez donc pas vu, mon ami, que je vous aimais ?» Il se croyait seul au monde. Dans son exaltation, Évariste leva les yeux vers le firmament étincelant de lumière et d'azur. « Voyez, le ciel nous regarde. Il est adorable et bienveillant comme vous, ma bien-aimée. Il a votre éclat, votre douceur, votre sourire. Il se sentait uni à la nature entière. Il l'associait à sa joie, à sa gloire, à ses yeux. Pour célébrer ses fiançailles, les fleurs des marronniers s'allumaient comme des candélabres. Les torches gigantesques des peupliers s'enflammaient. Il se réjouissait de sa force et de sa grandeur. Elle, plus tendre et aussi plus fine, plus souple et plus ductile, se donnait l'avantage de la faiblesse et, aussitôt après l'avoir conquis, se soumettait à lui. Maintenant qu'elle l'avait mis sous sa domination, elle reconnaissait en lui le maître, le héros, le dieu, brûlait d'obéir, d'admirer et de s'offrir. Sous l'ombrage du bosquet, il lui donna un long baiser ardent sous lequel elle renversa la tête et, dans les bras d'Évariste, elle sentit toute sa chair se fondre comme une cire. Elle le regarda d'un air de tendresse et de franchise, lui prit la main, le fit asseoir à son côté et lui parla avec recueillement. « Je vous estime trop pour rien vous cacher, Évariste. Je me crois digne de vous. Je ne le serais pas si je ne vous disais pas tout. Entendez-moi et soyez mon seul juge. Je n'ai à me reprocher aucune action vile, basse ou seulement intéressée. J'ai été faible et crédule. Ne perdez pas de vue, mon ami, les circonstances difficiles dans lesquelles j'étais placé. Vous le savez, je n'avais plus de mère, mon père, encore jeune, ne songeait qu'à ses amusements et ne s'occupait pas de moi. J'étais sensible, la nature m'avait doué d'un cœur tendre et d'une âme généreuse, et bien qu'elle ne m'eût pas refusé un jugement ferme et sain, le sentiment alors l'emportait en moi sur la raison. Hélas, il l'emporterait encore aujourd'hui s'ils ne s'accordaient tous deux, Évariste, pour me donner à vous entièrement et à jamais. » Elle s'exprimait avec mesure et fermeté. Ses paroles étaient préparées. Depuis longtemps, elle avait résolu de faire sa confession, parce qu'elle était franche, parce qu'elle se plaisait à imiter Jean-Jacques, et parce qu'elle se disait raisonnablement « Évariste saura quelque jour des secrets dont je ne suis pas seul dépositaire. Il vaut mieux qu'un aveu dont la liberté est toute à ma louange l'instruise de ce qu'il aurait appris un jour à ma honte. » Tendre comme elle était et docile à la nature, Elle ne se sentait pas très coupable et sa confession en était moins pénible. Elle comptait bien d'ailleurs ne dire que le nécessaire. « Ah, soupira-t-elle, que n'êtes-vous venu à moi, cher Évariste, à ces moments où j'étais seul, abandonné ?» Gamelin avait pris à la lettre la demande que lui avait faite Élodie d'être son juge. Préparé de nature et par éducation littéraire à l'exercice de la justice domestique, il s'apprêtait à recevoir les aveux d'Élodie. Comme elle hésitait, il lui fit signe de parler. Elle dit très simplement « Un jeune homme qui, parmi de mauvaises qualités, en avait de bonnes, et de montrer que celle-là me trouva quelque attrait et s'occupa de moi avec une assiduité qui surprenait chez lui. Il était à la fleur de la vie, plein de grâce, et lié avec des femmes charmantes qui ne se cachaient point de l'adorer. » Ce ne fut pas pour sa beauté, ni même par son esprit, qu'il m'intéressa. Il sut me toucher en me témoignant de l'amour, et je crois qu'il m'aimait vraiment. Il fut tendre, empressé. Je ne demandais l'engagement qu'à son cœur, et son cœur était mobile. Je n'accuse que moi. C'est ma confession que je fais, et non la sienne. Je ne me plains pas de lui, puisqu'il m'est devenu étranger. Ah, je vous jure, Évariste, il est pour moi comme s'il n'avait jamais été. Elle se tut. Gamelin ne répondit rien. Il croisait les bras. Son regard était fixe et sombre. Il songeait en même temps à sa maîtresse et à sa sœur Julie. Julie aussi avait écouté un amant. Mais bien différente, pensait-il, de la malheureuse Élodie, elle s'était fait enlever, non point dans l'erreur d'un cœur sensible, mais pour trouver loin des siens le luxe et le plaisir. En sa sévérité, il avait condamné sa sœur et il inclinait à condamner sa maîtresse. Élodie reprit d'une voix très douce, « J'étais imbu de philosophie, je croyais que les hommes étaient naturellement honnêtes. Mon malheur fut d'avoir rencontré un amant qui n'était pas formé à l'école de la nature et de la morale, et que les préjugés sociaux, l'ambition, l'amour-propre, un faux point d'honneur avaient fait égoïste et perfide. Ces paroles calculées produisirent l'effet voulu. Les yeux de Gamelin s'adoucirent. Il demanda « Qui était votre séducteur ?»« Est-ce que je le connais ?»« Vous ne le connaissez pas. Nommez-le-moi. » Elle avait prévu cette demande et était résolue à ne pas la satisfaire. Elle donna ses raisons, épargnez-moi, je vous prie. Pour vous comme pour moi, j'en ai déjà trop dit. Et comme il insistait, dans l'intérêt sacré de notre amour, je ne vous dirai rien qui précise à votre esprit cet étranger. Je ne veux pas jeter un spectre à votre jalousie. Je ne veux pas mettre une ombre importune entre vous et moi. Ce n'est pas quand j'ai oublié cet homme que je vous le ferai connaître. Gamelin la pressa de lui livrer le nom du séducteur. C'est le terme qu'il employait obstinément, car il ne doutait pas qu'Élodie n'eût été séduite, trompée, abusée. Il ne concevait même pas qu'il en eût pu être autrement, et qu'elle eût obéi au désir, à l'irrésistible désir. Écouter les conseils intimes de la chair et du sang, il ne concevait pas que cette créature voluptueuse et tendre, cette belle victime, se fût offerte. Il fallait, pour contenter son génie, qu'elle eût été prise par force ou par ruse, violentée, précipitée dans des pièges tendus sous ses pas. Il lui faisait des questions mesurées dans les termes même précises, serrées, gênantes, et lui demandait comment s'était formée cette liaison, si elle avait été longue ou courte, tranquille ou troublée, de quelle manière elle s'était rompue. Et il revenait sans cesse sur les moyens qu'avait employés cet homme pour la séduire, comme s'il avait dû en employer d'étranges et d'inouïs. Toutes ces questions, il les fit en vain. Avec une obstination douce et suppliante, elle se taisait, la bouche serrée et les yeux gros de larmes. Pourtant, Évariste, ayant demandé où était à présent cet homme, elle répondit, « Il a quitté le royaume. » Elle se reprit vivement, « La France. » Un émigré, s'écria Gamelin. Elle le regarda, muette, à la fois rassurée et attristée de le voir se créer lui-même une vérité conforme à ses passions politiques et donner à sa jalousie gratuitement une couleur jacobine. En fait, l'amant d'Élodie était un petit clerc de procureur, très joli garçon, chérubin saute-ruisseau, qu'elle avait adoré et dont le souvenir, après 3 ans, lui donnait encore une chaleur dans le sein. Il recherchait les femmes riches et âgées. Il quitta Élodie pour une dame expérimentée qui récompensait ses mérites. Entré après la suppression des offices à la mairie de Paris, il était maintenant un dragon sans culotte et le greluchon d'une ci-devant. « Un noble, un émigré, » répétait Gamelin, qu'elle se gardait bien de les tromper, n'ayant jamais souhaité qu'il sût toute la vérité. « Et il t'a lâchement abandonné. » Elle inclina la tête. Il la pressa sur son cœur. « Chère victime de la corruption monarchique, mon amour te vengera de cet infâme. Puisse le ciel me le faire rencontrer, je saurai le reconnaître. » Usant d'une très vieille façon de dire, la citoyenne veuve Gamelin l'avait annoncé. « À force de manger des châtaignes, nous deviendrons châtaignes. » Ce jour-là, 13 juillet, comme ils achevaient cet austère repas, une dame poussa la porte et emplit soudain l'atelier de son éclat et de ses parfums. Évariste reconnut la citoyenne Rochemort. Croyant qu'elle se trompait de porte et cherchait le citoyen Brotteau, son ami d'autrefois, il pensait déjà lui indiquer le grenier du ci-devant ou appeler Brotteau pour épargner à une femme élégante de grimper par une échelle de meunier, mais il parut dès l'abord que c'était au citoyen Évariste Gamelin qu'elle avait affaire, car elle se déclara heureuse de le rencontrer et de se dire sa servante. Ils n'étaient point tout à fait étrangers l'un à l'autre. Ils s'étaient vus plusieurs fois dans l'atelier de David, dans une tribune de l'Assemblée, au Jacobin, chez le restaurateur Vénois. Elle l'avait remarqué pour sa beauté, sa jeunesse, son air intéressant. Portant un chapeau enrubanné comme un mirliton et empanaché comme le couvre-chef d'un représentant en mission, la citoyenne Rochemort était emperruquée, fardée, mouchetée, musquée, la chair fraîche encore sous tant d'apprêts. Ces artifices violents de la mode trahissaient la hâte de vivre et la fièvre de ces jours terribles, aux lendemains incertains. Son corsage à grands revers et à grandes basques, tout reluisant d'énormes boutons d'acier, était rouge sang. Et l'on ne pouvait discerner, tant elle se montrait à la fois aristocrate et révolutionnaire, si elle portait les couleurs des victimes ou celles du bourreau. Un jeune militaire, un dragon, l'accompagnait. La longue canne de nacre à la main, grande, belle, ample, la poitrine généreuse, elle fit le tour de l'atelier, et approchant de ses yeux gris son lorgnon d'or à deux branches, elle examina l'étoile du peintre, souriant, se récriant, portée à l'admiration par la beauté de l'artiste et flattant pour être flattée. « Qu'est-ce ?» demanda la citoyenne, « que ce tableau si noble et si touchant d'une femme douce et belle, près d'un jeune malade ?» Gamelin répondit qu'il fallait y voir Oreste, veillée par Électre, sa sœur, et que, s'il l'avait pu achever, ce serait peut-être son moins mauvais ouvrage. Il s'approcha de la toile et la regarda avec complaisance. « Certaines parties, dit-il, sont à peu près terminées. La tête et le bras d'Oreste, par exemple. C'est un morceau admirable. Et Oreste vous ressemble, citoyen Gamelin. Vous trouvez, fit le peintre avec un sourire grave. » La citoyenne félicita Gamelin de ses talents et lui demanda s'il ne consentirait pas à dessiner une carte pour une marchande de mode à qui elle s'intéressait. Il y traiterait un sujet approprié, une femme essayant une écharpe devant une psyché, par exemple, ou une jeune ouvrière portant sous son bras un carton à chapeau. Comme capable d'exécuter un petit ouvrage de ce genre, on lui avait parlé du fils Fragonard, du jeune Ducis, et aussi d'un nommé Prudhomme. Mais elle préférait s'adresser au citoyen Évariste Gamelin. Toutefois, elle n'en vint sur cet article à rien de précis. Et l'on sentait qu'elle avait mis cette commande en avant uniquement pour engager la conversation. En effet, elle était venue pour toute autre chose. Elle réclamait du citoyen Gamelin un bon office. Sachant qu'il connaissait le citoyen Marat, elle venait lui demander de l'introduire chez l'ami du peuple, avec qui elle désirait avoir un entretien. Gamelin répondit qu'il était un trop petit personnage pour la présenter à Marat et que du reste, elle n'avait que faire d'un introducteur. Marat, bien qu'accablé d'occupation, n'était pas l'homme invisible qu'on avait dit. Et Gamelin ajouta, « Il vous recevra, citoyenne, si vous êtes malheureuse, car son grand cœur le rend accessible à l'infortune et pitoyable à toutes les souffrances. Il vous recevra si vous avez quelques révélations à lui faire intéressant de salut public. Il a voué ses jours à démasquer les traîtres. » La citoyenne Rochemort répondit qu'elle serait heureuse de saluer en Marat un citoyen illustre qui avait rendu de grands services au pays, qui était capable d'en rendre de plus grands encore, et qu'elle souhaitait mettre ce législateur en rapport avec des hommes bien intentionnés, des philanthropes favorisés par la fortune et capables de lui fournir des moyens nouveaux de satisfaire son ardent amour de l'humanité. Il est désirable, ajouta-t-elle, de faire coopérer les riches à la prospérité publique. De vrai, la citoyenne avait promis au banquier Morhardt de le faire dîner avec Marat. Morhardt, suisse comme l'ami du peuple, avait lié parti avec plusieurs députés à la Convention, Julien de Toulouse, Delaunay d'Angers et l'ex-capucin Chabot, pour spéculer sur les actions de la Compagnie des Indes. Le jeu, très simple, consistait à faire tomber ces actions à 650 livres par des motions spoliatrices afin d'en acheter le plus grand nombre possible à ce prix et de les relever ensuite à 4000 ou 5000 livres par des motions rassurantes. Mais Chabot, Julien, Delaunay étaient percés à jour. On suspectait la croix, Fabre d'Églantine et même Danton. L'homme de l'Adjo, le baron de Batz, cherchait de nouveaux complices à la Convention et conseillait au banquier Morhardt de voir Marat. Grande appareilleuse, bien qu'elle fût encore dans l'âge des amours, la citoyenne Rochemort s'était donné la mission de réunir le législateur journaliste au banquier, et sa folle imagination lui représentait l'homme des caves, aux mains encore rougies du sang de septembre, engagé dans le parti des financiers dont elle était l'agent, jeté par sa sensibilité même et sa candeur en plein adjo dans ce monde qu'elle chérissait d'accapareurs, de fournisseurs, d'émissaires de l'étranger, de croupiers et de femmes galantes. Elle insista pour que le citoyen Gamelin la conduisît chez l'ami du peuple qui habitait non loin dans la rue des Cordeliers près de l'église. Après avoir fait un peu de résistance, le peintre céda aux vœux de la citoyenne. Le dragon Henri, invité à se joindre à eux, refusa, alléguant qu'il entendait garder sa liberté, même à l'égard du citoyen Marat, qui, sans doute, avait rendu des services à la République, mais maintenant faiblissait. N'avait-il pas, dans sa feuille, conseillé la résignation au peuple de Paris? Et le jeune Henri, d'une voix mélodieuse, avec de longs soupirs, déplora la République trahie par ceux en qui elle avait mis son espoir. Danton, repoussant l'idée d'un impôt sur les riches, Robespierre s'opposant à la permanence des sections, Marat, dont les conseils pusillanimes brisaient l'élan des citoyens. « Ah ! S'écria-t-il, que ces hommes paraissent faibles auprès de Leclerc et de Jacques Roux. Roux, Leclerc, vous êtes les vrais amis du peuple. » Gamelin n'entendit point ces propos qui l'eussent indigné. Il était allé dans la pièce voisine passer son habit bleu. « Vous pouvez être fier de votre fils, » dit la citoyenne Rochemort à la citoyenne Gamelin. « Il est grand par le talent et par le caractère. » La citoyenne veuve Gamelin donna en réponse un bon témoignage de son fils, sans toutefois s'enorgueillir de lui devant une dame de haut parage, car elle avait appris, dans son enfance, que le premier devoir des petits est l'humilité envers les grands. Elle était encline à se plaindre, n'en ayant que trop sujet et trouvant dans ses plaintes un soulagement à ses peines. Elle révélait abondamment ses maux à ceux qu'elle croyait capables de les soulager, et Madame de Rochemort lui semblait de cela. Aussi, mettant à profit l'instant favorable, elle conta tout d'une haleine la détresse de la mère et du fils, qui tous deux mouraient de faim. On ne vendait plus de tableaux, la révolution avait tué le commerce comme avec un couteau, les vivres étaient rares et hors de prix, et la bonne dame expédiait ses lamentations avec toute la volubilité de ses lèvres molles et de sa langue épaisse, afin de les avoir dépêchées toutes quand reparaîtrait son fils, dont la fierté n'eût point approuvé de telles plaintes. Elle s'efforçait d'émouvoir, dans le moins de temps possible, une dame qu'elle jugeait riche et répandue et de l'intéresser au sort de son enfant, et elle sentait que la beauté des varistes conspirait avec elle pour attendrir une femme bien née. En effet, la citoyenne Rochemort montra de la sensibilité. Elle s'émut à l'idée des souffrances des varistes et de sa mère et rechercha les moyens de les adoucir. Elle ferait acheter les ouvrages du peintre par des hommes riches de ses amis. Car, dit-elle en souriant, il y a encore de l'argent en France, mais il se cache. Mieux encore, puisque l'art était perdu, elle procurerait à Évariste un emploi chez Morard, ou chez les frères Perreggio, ou une place de commis chez un fournisseur aux armées. Puis elle songea que ce n'était pas cela qu'il fallait à un homme de ce caractère, et après un moment de réflexion, elle fit signe qu'elle avait trouvé. Il reste à nommer plusieurs jurés au tribunal révolutionnaire, jurés, magistrats. Voilà ce qui convient à votre fils. Je suis en relation avec les membres du comité de salut public. Je connais Robespierre l'aîné. Son frère soupe très souvent chez moi. Je leur parlerai. Je ferai parler à Montané, à Dumas, à Fouquier. La citoyenne Gamelin, émue et reconnaissante, mit un doigt sur sa bouche. Évariste rentrait dans l'atelier. Il descendit avec la citoyenne Rochemort l'escalier sombre dont les degrés de bois et de carreaux étaient recouverts d'une crasse antique. Sur le pont neuf, où le soleil déjà bas allongeait l'ombre du piédestal qui avait porté le cheval de bronze et que pavoisaient maintenant les couleurs de la nation, une foule d'hommes et de femmes du peuple écoutait, par petits groupes, des citoyens qui parlaient à voix basse. La foule consternée gardait un silence coupé par intervalles de gémissements et de cris de colère. Beaucoup s'en allaient d'un pas rapide vers la rue de Thionville, ci-devant rue Dauphine. Gamelin, s'étant glissé dans un de ces groupes, entendit que Marat venait d'être assassiné. Peu à peu, la nouvelle se confirmait et se précisait. Il avait été assassiné dans sa baignoire par une femme venue exprès de Caen pour commettre ce crime. Certains croyaient qu'elle s'était enfuie, mais la plupart disaient qu'elle avait été arrêtée. Ils étaient là, tous, comme un troupeau sans berger. Ils songeaient. Marat, sensible, humain, bienfaisant, Marat n'est plus là pour nous guider. Lui qui ne s'est jamais trompé, qui devinait tout, qui osait tout révéler. Que faire, que devenir? Nous avons perdu notre conseiller, notre défenseur, notre ami. Il savait d'où venait le coup. Et qui avait dirigé le bras de cette femme, il gémissait. Marat a été frappé par les mains criminelles qui veulent nous exterminer. Sa mort est le signal de l'égorgement de tous les patriotes. On rapportait diversement les circonstances de cette mort tragique et les dernières paroles de la victime. On faisait des questions sur l'assassin, dont on savait seulement que c'était une jeune femme envoyée par les traîtres fédéralistes. Montrant les ongles et les dents, les citoyennes vouaient la criminelle au supplice et trouvant la guillotine trop douce réclamaient pour ce monstre le fouet, la roue, l'écartèlement et imaginaient les tortures nouvelles. Des gardes nationaux en armes traînaient à la section, un homme à l'air résolu, ses vêtements étaient en lambeaux, des filets de sang coulaient sur sa face pâle. On l'avait surpris, disant que Marat avait mérité son sort en provoquant sans cesse au pillage et au meurtre. Et ça avait été à grand-peine que les miliciens l'avaient soustrait à la fureur populaire. On le désignait du doigt comme un complice de l'assassin, et des menaces de mort s'élevaient sur son passage. Gamelin restait stupide de douleur. De maigres larmes séchaient dans ses yeux ardents. À sa douleur filiale se mêlait une sollicitude patriotique et une piété populaire qui le déchirait.